Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Un vote, c'est a priori simple, une personne égale une voix, et puis alors si vous avez plusieurs personnes, bah vous additionnez. Alors c'est simple, sauf si vous êtes aux États-Unis en général, et en particulier dans le caucus démocrate de l'Iowa, souvenez-vous. Encore inconnu il y a quelques mois, Pete Buttigieg aura créé la surprise, avec presque 27% des voix, d'après les résultats partiels du caucus du Parti démocrate dans l'Iowa. Une campagne qui a commencé il y a un an, avec seulement 4 salariés, aucune notoriété, pas d'argent, seulement une belle idée. Une campagne qui n'avait aucune chance de réussir a pris désormais la première place dans la course pour remplacer le président. Après 24 heures de cafouillage, les démocrates auront finalement révélé des résultats pour l'instant partiels. Ils ne concernent que 62% des lieux de vote. Le délai pour les résultats et les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le caucus du Parti démocrate cette année sont inacceptables. En tant que président du parti dans l'Iowa, je présente mes plus sincères excuses. Ma première priorité sera d'assurer l'exactitude et l'intégrité des résultats. Laurence Nardon, bonjour. Vous êtes responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI et vous livrez tous les mercredis un podcast intitulé « Trump 2020, comment expliquer ce véritable superfail, le caucus démocrate de l'Iowa ?» Eh bien écoutez, en un mot, cette catastrophe électorale du 3 février, elle est due à la collision vraiment spectaculaire entre d'une part un système de caucus qui est un petit peu archaïque, hein, avec une démocratie directe un peu folklorique. Il y a quand même 1700 precincts, c'est-à-dire lieux où les gens se retrouvent pour voter à main levée. Donc d'une part cet aspect-là, qui a rencontré des technologies modernes, entre guillemets, qui étaient mal testées et qui ont dysfonctionné dans la journée qu'on a vue il y a quelques jours. Alors, il faut que vous nous expliquiez quelles sont les technologies qui ont été utilisées, parce qu'a priori, un caucus, c'est simple. Il y a différents candidats, donc là, en l'occurrence, les candidats démocrates, et ces candidats, on vote pour eux ou pas, d'ailleurs. En quoi est-ce compliqué ? Le système des caucus de l'Iowa est particulièrement compliqué, ça c'est vrai, hein. Il faut que les gens rendent compte du résultat des votes, donc de 1700 lieux de vote, aux instances du parti démocrate en l'occurrence, hein, cette année, mais il y a parfois aussi des campagnes républicaines du côté républicain. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en 2016, lors du caucus de l'Iowa et dans d'autres primaires caucus démocrates, les partisans de Bernie Sanders ont eu l'impression, sans doute à raison, d'être floués par le camp pro-Hillary Clinton. Il y avait le côté démocrate était divisé entre ces deux courants en 2016. Et ils ont exigé depuis que les choses soient plus transparentes, plus carrées et plus scientifiques d'une certaine manière. Et donc, le parti, au niveau fédéral, mais le parti dans l'Iowa, puisqu'il y a des instances différentes, ont mis en place cette fameuse application qui a dysfonctionné. Cette application, elle était censée rendre plus facile et plus claire la transmission des résultats de ces 1700 précincts à l'organe centralisateur du Parti démocrate de l'Iowa. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette application, qui avait été mal testée et à laquelle les organisateurs n'avaient pas bien été formés, n'a pas fonctionné. Donc ça, c'était le plan A, donc, a raté. Il y avait un plan B derrière, qui était, si jamais vous ne réussissez pas à faire fonctionner cette application, vous nous appelez, il y aura des hotlines. Le plan B n'a pas fonctionné non plus, puisque les lignes téléphoniques étaient trop encombrées et les gens parfois ont passé des heures à attendre leur tour au téléphone. Alors là-dessus, juste, j'ouvre une petite parenthèse qui est que certains démocrates accusent des républicains d'avoir fait exprès de téléphoner pour encombrer les lignes. Il y a eu des appels à faire ça sur 4chan, qui est un réseau d'extrême droite. Les appels à faire cela. Ah oui. Donc d'accord. D'accord. On ne sait pas si ça a été fait en vrai, mais il y a eu des appels côté républicain, enfin côté très très très à droite, d'accord, ouais, du Parti républicain, pour encombrer les lignes. Okay. Mais alors, attendez, Laurence Nardon, si je comprends bien, donc au début on a un parti démocrate qui souhaite être moderne et donc qui crée une appli, et c'est cette application donc qui va tout d'abord être défaillante. Absolument, absolument. L'application est défaillante. Et où les gens sont mal formés à l'utiliser, hein, ça c'est pas... Ouais, c'est moi, étant une milléniale, je comprends bien ce problème. Le plan 2, c'est que la ligne téléphonique mise en support était trop encombrée pour que les gens puissent vraiment s'en servir. Et le plan 3, c'est que, en désespoir de cause, dans la nuit, les responsables ont dit aux gens des precincts qui les appelaient, enfin qui réussissaient à les appeler par d'autres lignes, ça n'est pas grave, prenez en photo vos fiches de résultats et envoyez-les nous sur telle adresse email. Bah, excellente idée, ça également. C'est facile, on a à peu près tous des smartphones. Oui, oui, et alors ça a été fait, mais c'était, enfin vous voyez, une photo de fiche, le report est pas exactement carré parce que tout doit être fait à la main. Il y a eu plus de 700 emails envoyés sur cette adresse que les organisateurs donc à Day One dans l'Iowa, qui étaient chargés de centraliser toutes les infos, ont mis des heures à prendre en compte et on ne peut pas être complètement sûr que le report ait été exact. Et oui, parce que c'est ça que j'ai vu, effectivement. Donc, on se retrouve avec des feuilles manuscrites qui sont manuscrites. Il y a des gens qui ont des écritures de médecins. Les médecins me pardonneront, mais en tout cas... Il y a plein de ratures aussi. Il y a des ratures. Donc, il y a quand même une perspective un peu terrible. C'est-à-dire que on peut se demander aujourd'hui, Laurence Nardon, si les résultats de ce caucus de l'Iowa ont été véritablement ce qu'on dit qu'ils sont, puisque les chiffres étaient parfois très difficiles à déchiffrer. Mais absolument, et d'ailleurs, un certain nombre de campagnes des candidats démocrates ont demandé, alors ils demandent deux choses différentes suivant les campagnes, ils demandent soit qu'on recompte les voix ou recalculer. Alors ça c'est autre chose, c'est à partir des résultats de voix qui sont acquis pour l'instant, qui sont peut-être faux, recalculer le nombre de délégués qui iraient à chaque candidat. Donc c'est et là, pour l'instant, je ne sais pas très bien, pour tout vous avouer, ce que le Parti démocrate a décidé de faire face à ces demandes, puisque un problème de coordination pour l'instant entre le Parti démocrate fédéral et le Parti démocrate de l'Iowa. Pourquoi un problème de coordination? Entre le Tom Perez, qui est le président du DNC, le Democratic National Committee, donc qui est un peu le chef du Parti démocrate pour tous les États-Unis, et puis les autorités du Parti démocrate de l'Iowa, ils sont pas tout à fait d'accord parce qu'ils se rejettent le blâme, évidemment. Et puis, vous savez, dans ce pays fédéral que sont les États-Unis, le droit des États et des partis des États est jalousement gardé par rapport au fédéral. Et donc, chaque fois qu'il y a une dispute entre ces deux niveaux, c'est assez compliqué. Mais on se dit quand même que c'est très étonnant qu'il y ait ce type d'amateurisme, parce qu'on n'arrête pas d'insister sur le fait que les campagnes politiques aux États-Unis coûtent des fortunes. Donc si elles coûtent des fortunes, on se dit qu'ils ont les moyens de faire des scrutins qui soient des scrutins certifiés. Comment aboutit-on à ce type de ratage ? Oui, c'est vraiment étonnant. Au-delà des campagnes électorales, on a aussi l'idée que les États-Unis sont ce pays de très haute technologie, la Silicon Valley, tout le monde est très au fait des meilleures technologies sur les smartphones, etc. Mais en réalité, ça c'est une vision de l'extérieur. On sait bien que les formations, l'université, etc. sont très chères aux États-Unis. Il y a un problème de formation des petites gens, en quelque sorte, ou en tout cas des gens qui ne sont pas dans la Silicon Valley et qui sont pas forcément très au fait des nouvelles technologies, qui ne savent pas forcément très bien les utiliser. Et elle s'est ajoutée à une organisation sur le terrain qui était extrêmement compliquée entre le niveau des districts, le niveau des comtés, le niveau de l'État de l'Iowa et le niveau fédéral. Tout cela n'a pas bien communiqué de toute évidence. Et par exemple, je lisais dans le New York Times la semaine dernière que les organisateurs sur le terrain ont rendu compte relativement tôt, il y a quelques semaines, qu'ils ne savaient pas utiliser l'application, qu'elle ne fonctionnait pas bien. Et en fait, cette information n'est arrivée que très tard, en haut de la pyramide. Et manifestement, ils n'ont pas été actifs suffisamment tôt pour réparer avant ce fameux caucus de l'Iowa. Pourquoi ces mêmes erreurs n'ont pas été perceptibles pour le caucus du New Hampshire, Laurence Nardon? Mais parce que dans le New Hampshire, ce n'était pas un caucus. Dans le New Hampshire, c'était une primaire proprement dite. Et là, il y a une grande différence parce que quand on parle des primaires démocrates, en fait, il y a des primaires proprement dites et des caucus. Là, il va falloir que vous nous distinguiez les deux. Oui, absolument. Les caucus sont organisés de manière, comme je le disais, assez folklorique, par les partis eux-mêmes dans les États. Et c'est d'ailleurs pour ça que les systèmes varient beaucoup et qu'il y a tant de lieux de vote, parce qu'en fait, vous pouvez voter dans un gymnase, dans une école, mais aussi dans le salon de votre belle-sœur, si elle a un salon assez grand. En revanche, les primaires proprement dites sont organisées par la puissance publique de l'État pour le compte du Parti démocrate ou du Parti républicain, mais là, ça se déroule comme une élection normale. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des isoloirs et que le décompte est fait de manière professionnelle. Est-ce qu'on le... Voilà la différence entre les deux. Et donc, dans le New Hampshire, c'était une primaire et, manifestement, tout s'est bien passé. Il y a, au-delà de ça, Laurence Nardon, une interrogation sur les raisons pour lesquelles, aux États-Unis, il y a tant de problèmes de vote, de compte de voix. Et il y a eu des épisodes célèbres cette fois-ci, alors pas du tout pour la désignation d'un candidat, pas pour l'investiture à la présidentielle, mais pour la présidentielle tout court, n'est-ce pas? Oui, bah vous pensez certainement à l'élection de novembre 2000, qui a vu l'élection d'ailleurs de George W. Bush contre Al Gore. Mmh, Al Gore avait eu, d'ailleurs Al Gore avait eu plus de voix, c'était un petit peu comme Hillary Clinton contre Trump, mais c'est Bush qui a été élu à cause du décompte des grands électeurs. Bon, ça c'est pas notre sujet du jour. Mais non, ça c'est une question constitutionnelle. Là, pour le coup, il n'y avait pas de problème particulier. C'était la règle, donc tout était constitutionnel. Mais cette année-là, il y avait eu de gros problèmes dans le décompte des voix en Floride, parce que on s'était aperçu que les machines à voter, qui étaient encore des espèces de cartes à trous, enfin un système complètement antique, n'avaient pas fonctionné. On a d'ailleurs procédé, sous l'égide de la Cour suprême, à un Florida recount, le recomptage des voix de Floride. Mais depuis, justement, les États ont fait attention et ont modernisé leur système. Hein. Donc je pense qu'une catastrophe dans un vote national comme il y a eu en Floride en 2000 ne pourrait plus arriver aujourd'hui, enfin du moins on peut l'espérer. Mais je pense que la raison derrière tout ça, c'est à nouveau la structure fédérale des États-Unis qui fait que l'État fédéral n'est pas censé se mêler de la manière dont les États qui gardent très jalousement leur droit d'État, arrangent, enfin, ou organisent leurs élections. Et donc, il peut donner des recommandations, mais certainement pas des ordres aux États pour qu'ils changent de système de scrutin, par exemple. De système de décompte des voix. Oui, c'est par ça. Exemple. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Est-ce que on peut imaginer ou redouter que pour la prochaine présidentielle, de mêmes erreurs ou de mêmes difficultés surviennent, Laurence Nardon? Eh bien justement, je ne le pense pas, puisque depuis 2000, les États ont, dans leur immense majorité, mis à jour et modernisé leur système. Ce qui va se passer cette année, en revanche, c'est que, alors là, on sort un peu de la mécanique ou de la logistique du vote proprement dit, mais cette année, il y aura peut-être des gens qui ne pourront pas voter parce qu'ils auront été supprimés des listes électorales. Et là, je fais allusion au fait que la grande loi de 1965 sur le vote, qui autorisait justement l'État fédéral à contrôler la manière dont les citoyens sont inscrits sur les listes électorales, cette loi qui faisait partie du mouvement des droits civiques pour obliger les États du Sud à inscrire les Noirs sur les listes électorales, eh bien cette loi, elle avait un terme dans les années 2010 et en 2013, la Cour suprême a choisi de ne pas proroger cette autorité du gouvernement fédéral sur les États pour contrôler la manière dont les gens sont inscrits sur les listes électorales. Et donc depuis 2013, dans les États du Sud, mais pas seulement, un certain nombre de personnes ne peuvent plus s'inscrire sur les listes électorales. Je vous donne l'exemple du Tennessee. Depuis 2013, dans le Tennessee, on réclame une pièce d'identité avec photo. Vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de carte d'identité. Mmh. La pièce d'identité avec photo que vous pouvez présenter, c'est votre permis de conduire. Eh bien, devinez qui n'a pas de permis de conduire dans ces États pauvres du Sud. Eh bien, ce sont les gens qui sont issus de minorités. Et donc, mécaniquement, ça interdit à certains d'entre eux de s'inscrire sur les listes électorales. À mon avis, ça, c'est l'un des problèmes qu'on va voir en novembre prochain. C'est le fait qu'un certain nombre de Noirs ou de Latinos n'auront pas pu s'inscrire pour voter. Mais juste une dernière question, Laurence Nardon. Auparavant, que faisait-on ? Parce que, a priori, la volonté de vouloir vérifier une identité au moment du vote, en France, par exemple, c'est toujours le cas. Et jadis, comment était-ce fait aux États-Unis ? Eh bien, je suppose. Alors bon, les citoyens présentaient leur carte de sécurité sociale qu'ils ont automatiquement à la naissance et sur laquelle il n'y a pas de photo. C'est l'exigence d'une photo. C'est la photo qui est mise en avant par les États de manière tout à fait perfide pour empêcher le vote des plus pauvres. En conclusion, Laurence Nardon, est-ce que la position de l'Iowa, qui est donc le premier État à voter dans ces caucus, est-ce que ça ne va pas fragiliser la position de cet État ? Mais si, absolument. En fait, l'Iowa, depuis des décennies, est le premier État à voter lors du processus des primaires, hein, que ce soit les démocrates ou les républicains. Et évidemment, l'Iowa tient jalousement à ce privilège, parce que ça fait de ce petit État, qui compte 3 millions d'habitants sur 330 dans le pays, un État qui est politiquement très important. Les candidats vont serrer des mains partout dans l'État, promettre tout un tas de choses, comme par exemple sur l'éthanol, ça c'est le gros exemple. Qu'est-ce qu'ils ont promis sur l'éthanol ? Eh bien, ils ont promis et accordé des subventions fédérales importantes à la culture du maïs dans l'État pour produire de l'éthanol. Et donc, il y a depuis des années, tous les 4 ans, des gens qui se plaignent de la place de l'Iowa et du New Hampshire d'ailleurs après, en disant que ce sont des petits États blancs qui ne sont pas représentatifs du pays et que le fait qu'ils votent en premier dans le processus des primaires leur donne une influence qui n'est pas juste en réalité. Et donc, le fiasco de février va sans doute affaiblir la position de l'Iowa dans ce processus des primaires. Vos critiques, vos remarques, vos suggestions et vos idées de Superfell sur mon mail guillaume.erner@radiofrance.com guillaume.erner@radiofrance.com. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, saccagé par Marie-Claire Oumabadi à la technique et ruiné par Alexandra Longuet à la réalisation. Superfell.